À l'égal d'Oum Kulsoum. Ah oui, à l'égal d'Oum Kulsoum, si vous voulez, mais c'est quelqu'un qui a vraiment ancré l'image de l'Égypte, du Caire, de la vie égyptienne et de l'être égyptien. Naguib Mahfouz, son excellence, traduit par Rania Asmara, c'est chez Actes Sud dans la collection Sindbad. Merci d'être passé, Rania Asmara. Merci. Demain, dans le choix des livres et toujours à l'occasion de la délocalisation de France Culture au Caire, nous recevrons Paul Ajac. Paul Ajac, qui est d'origine égyptienne et dont la plupart des romans prennent pour cadre l'Égypte de son enfance. Mais pour l'heure, c'est le feuilleton, donc à la recherche du temps perdu, le scénario d'après l'œuvre de Marcel Proust, le scénario que Luchino Visconti n'a pas pu porter à l'écran et qu'on va entendre en version radio aujourd'hui, premier épisode. À la recherche du temps perdu, d'après l'œuvre de Marcel Proust. Scénario de Luchino Visconti et Suso Cecchi d'Amico. Feuilleton en 15 épisodes. Découpage proposé par Emmanuel Douin. Marcel Proust n'a été filmé par personne, pas plus que par Sacha Guitry. À quoi ce film aurait-il ressemblé si jamais Proust avait accepté, si jamais les deux hommes ne s'étaient pas cordialement ignorés? À qui l'auteur du côté de chez Swann aurait-il ressemblé? À Charles Cole? Premier épisode. La belle saison à Balbec. Le petit chemin de fer qui conduit à Balbec roule dans la campagne ensoleillée. Aucun autre signe de vie dans le paysage que ce petit train qui avance lentement, on pourrait même dire péniblement. Toujours poussif, le petit train s'est arrêté en gare de Balbec-Plage. Et c'est en soufflant qu'il repart. Immobile près du tas de bagages, une vieille dame élégamment mais sévèrement habillée de noir et un jeune homme, plutôt maigre, que nous ne voyons que de dos. La grand-mère et Marcel. Combien de douces souvenances, plus jolis lieux de notre enfance, pas seul qu'ils étaient beaux, ils étaient beaux ces jours de France. Une chambre du grand hôtel de Balbec, intérieur jour, été. Dans sa chambre, Marcel s'est allongé tout habillé sur le lit. C'est la première fois que nous voyons distinctement son beau visage très pâle et nous remarquons sa respiration un peu courte. Et surtout, ne manque pas de frapper au mur cette nuit si tu as besoin de quelque chose. Mon lit est adossé au tien. La cloison est très mince. Hein? D'ici un moment, fais-le, pour voir si nous comprenons rien. Hein? Marcel tourne la tête pour regarder les meubles de la chambre, puis fixe le plafond. Salle à manger du grand hôtel à Balbec-Plage, extérieur, intérieur, nuit, été. La lumière des lampes se reflète sur la baie vitrée, formant des grosses taches lumineuses. Les tables mises, les garçons évoluent silencieusement sur le parquet ciré et brillant. Les clients de l'hôtel, les hommes en smoking, les femmes en toilettes élégantes, sont observés par les pêcheurs et les petits bourgeois de Balbec qui, le soir, viennent avec leur famille et restent longtemps devant la baie vitrée, comme devant la glace d'un merveilleux aquarium, à contempler le spectacle des messieurs et des dames qui dînent. Ces petits légumes ont l'air délicieux, grand-mère. Précédé d'un valet de pied en livrée et suivi d'une femme de chambre qui porte une corbeille de fruits, est entrée dans la salle à manger la vieille marquise de Villeparisis, parfaitement consciente du prestige de son rang et des hommages qui lui sont dus. La marquise esquisse un salut à l'adresse du directeur qui ne s'est pas encore redressé et tout de suite change d'expression. À la grande stupeur du directeur et au vif intérêt de tous les clients de l'hôtel, la marquise va rapidement vers la grand-mère et lui serre affectueusement les deux mains. Quelle surprise ! Je suis enchantée de vous voir. Puis-je m'asseoir un moment près de vous ? Monsieur ? Madame. Est-ce que vous êtes le fils du directeur au ministère ? Ah, il paraît que votre père est un homme charmant. Il fait un bien beau voyage en ce moment. Marcel fait quelques pas sur la digue de Balbec, s'arrête et regarde la mer. Tout à coup, il se retourne comme s'il était attiré par un regard. À quelques pas de lui, il y a un monsieur d'une cinquantaine d'années, très grand, fort, des moustaches très noires, vêtu de sombre, qui fixe sur Marcel un regard intense et très attentif. Marcel est gêné par ce regard insistant. Finalement, le monsieur quitte Marcel des yeux et, tout en arrangeant la rosette qui est à sa boutonnière, se tourne pour regarder l'affiche d'un spectacle et prendre des notes sur un calepin qu'il sort de sa poche. Marcel, le long de la digue, fait encore quelques pas, puis se retourne pour regarder dans la direction où se trouvait le monsieur vêtu de sombre. Le monsieur n'est plus devant l'affiche et le groupe des jeunes filles a disparu au coin de la rue. Marcel revient mélancoliquement sur ses pas quand il voit sortir de l'hôtel la marquise de Villeparisis, en compagnie de sa grand-mère, d'un grand jeune homme mince, très blond, et du monsieur plus âgé qui tout à l'heure l'a pris pour objet de son attention. Le voilà. La marquise de Villeparisis fait signe à Marcel d'approcher. Robert de Saint-Loup et mon neveu, le baron de Guermantes. Saint-Loup est vêtu avec une élégance extrême, d'une très légère étoffe écrue. À première vue, il a un port qui peut sembler hautain. Il porte le monocle, plus pour s'amuser à le faire tourner au bout de son cordon que par nécessité. Alors qu'il salue en inclinant légèrement la tête le monsieur habillé de sombre qui a été présenté comme baron de Guermantes, tend deux doigts à Marcel. Charmaine. Mon Dieu, est-ce que je perds la tête? Voilà que je t'appelle le baron de Guermantes. Je vous présente le baron de Charlus. L'erreur n'est pas si grande, tu es bien un Guermantes. Dites-moi, ai-je bien entendu? Madame de Villeparisis a dit à votre oncle qu'il était un Guermantes. Mais oui, naturellement, c'est Palamède de Guermantes. Mais des mêmes Guermantes qui ont un château près de Combray et qui prétendent descendre de Geneviève de Brabant? Oui. Les princes et les ducs de Guermantes? C'est leur frère. Mon oncle porte le titre de baron de Charlus. Régulièrement, quand mon grand-oncle est mort, mon oncle Palamède aurait dû prendre le titre de prince des Laumes, qui était celui de son frère avant qu'il devint duc de Guermantes, car dans cette famille-là, il change de nom comme de chemise. Mais mon oncle a sur tout cela des idées particulières. Et comme il trouve qu'on abuse un peu des duchés italiens, grandesses espagnoles, etc., bien qu'il eut le choix entre 4 ou 5 titres de prince, il a gardé celui de baron de Charlus par protestation et avec une apparente simplicité où il y a beaucoup d'orgueil. Aujourd'hui, dit-il, tout le monde est prince. Il faut pourtant bien avoir quelque chose qui vous distingue. Ah, je prendrai un titre de prince quand je voudrai voyager incognito. Saint-Loup se tait, comme s'il tenait à s'assurer que le baron n'entend pas qu'on est en train de parler de lui. Puis il reprend. Même dans la société aristocratique la plus fermée, mon oncle Palamède se distingue encore comme particulièrement difficile d'accès, dédaigneux. Entiché de sa noblesse, et il forme avec la femme de son frère et quelques autres personnes choisies ce qu'on appelle le cercle phénix. Saint-Loup est salué par de nombreuses personnes qui le croisent et il leur rend leur salut. Il est regardé avec une admiration extatique par les plus jeunes. Par contre, Marcel n'est connu de personne. Il paraît qu'on ne peut se figurer comme il donnait le ton, comme il faisait la loi à toute la société dans sa jeunesse. Pour lui, en toutes circonstances, il faisait ce qui lui paraissait le plus agréable, le plus commode, mais aussitôt il était imité par les snobs. Je crois d'ailleurs qu'il ne s'est pas ennuyé dans la vie. Beau comme il a été, il a dû en avoir des femmes. Je ne pourrais pas vous dire d'ailleurs exactement lesquelles, parce qu'il est très discret, mais je sais qu'il a bien trompé ma pauvre tante. Ce qui n'empêche pas qu'il était délicieux avec elle, qu'elle l'adorait, et qu'il l'a pleuré pendant des années. quand il est à Paris, il va encore au cimetière presque chaque jour. À Paris, nous habiterons prochainement un des appartements voisins de celui de Madame de Guermantes, dans une aile de son hôtel. Ah, je parlerai de vous à Henriane. D'ailleurs, vous serez certainement invité chez ma tante de Villeparisis et vous rencontrerez chez elle Henriane de Guermantes. Le baron de Charlus a pris congé des dames et revient maintenant sur ses pas. Il s'arrête devant les deux jeunes gens en regardant à nouveau Marcel avec l'intense attention qu'il lui a déjà consacrée une fois et... Je prendrai le thé ce soir après le dîner dans l'appartement de ma tante Villeparisis. J'espère que vous me ferez le plaisir de venir avec madame votre grand-mère. Plus tard, en sortant de l'appartement de madame de Villeparisis... Ils ont des qualités de pondération et de jugement particulières. Non seulement à eux, mais à une société où tu pourras trouver une distraction, un apaisement à ton penchant, à la tristesse, à l'isolement. Après tout, c'est dans cette société que l'on vit fleurir l'esprit d'un Doudon, d'un monsieur de Rémusat. Oh. Pour ne pas parler d'un Joubert ou de madame de Sévigné. Un esprit qui met un bonheur et une dignité dans la vie que j'aimerais bien pour mon petit-fils. Oh. Marcel ouvre la porte de la chambre de sa grand-mère et salue la vieille femme. Tu sais, grand-mère, sans toi, je ne pourrais pas vivre. Oh. Mais il ne faut pas. Il faut nous faire un cœur plus dur que ça. Sans cela, que deviendrais-tu si je partais en voyage? Hein? J'espère au contraire que tu seras très raisonnable, très heureux. Je saurais être raisonnable si tu partais pour quelques jours, mais... Mais je compterai les heures. Mais si je partais pour des mois, des années, pour... Il fait nuit. Marcel s'est endormi en laissant allumer la lampe sur la table de chevet. On entend frapper 3 coups. Instinctivement, Marcel se soulève pour s'asseoir dans son lit et va frapper à son tour contre le mur, mais son geste reste inachevé. C'est à la porte qu'on frappe, et une voix distincte ne tarde pas à succéder au coup. C'est Charlus. Puis-je entrer, monsieur? Monsieur, vous disiez tout à l'heure que vous étiez un peu ennuyé avant de vous endormir, et d'autre part que vous admiriez les livres de Bergotte. Comme j'en ai un dans ma malle, que vous ne connaissez probablement pas, je vous l'apporte pour vous aider à passer ces moments où vous ne vous sentez pas heureux. Je vous remercie. Je comprends que je vous ai ennuyé avec le récit de mon malaise à l'approche de la nuit, et je m'en excuse. J'étais un peu étonné ce soir de constater que madame de Villeparisis, heureuse de nous voir venir, ne semblait pas s'y être attendue. Pourtant, monsieur, vous vous rappelez bien, n'est-ce pas, que c'est vous qui m'avez demandé que nous vinssions ce soir. Voulez-vous, s'il vous plaît, expliquer que c'est vous? Je sais que je parais plus stupide encore que je ne suis, mais je crains l'impolitesse. Le baron continue toujours à ne pas avoir l'air d'écouter et à regarder tout autour de lui dans la pièce. Vous n'avez peut-être pas de mérite personnel, je n'en sais rien, si peu d'être, non. Mais pour un temps, du moins, vous avez la jeunesse. Et c'est toujours une séduction. Le baron de Charlus marche en long et en large dans la chambre, puis il s'arrête et reprend le volume qu'il a posé sur le lit. J'ai un autre volume de Bergotte ici, je vais vous le chercher. Mais monsieur, vous êtes trop bon. Un seul volume de Bergotte me suffira. C'est ce qui me semble. Le baron s'en va éteindre la haute lampe qu'il a un peu plus tôt allumée et éteinte, puis rallumée. Demain, je pars de bonne heure. Mes affections à votre grand-mère. Soudain, le baron de Charlus s'approche de Marcel et, tout en lui pinçant le cou, il lui dit sur un ton qui, plus encore que le précédent comportement extravagant du baron, surprend Marcel. Mais on s'en fiche bien de sa vieille grand-mère, hein? Petite fripouille. Comment, monsieur? Mais je l'adore. Monsieur, vous êtes encore jeune. Vous devriez en profiter pour apprendre 2 choses. La première, c'est de vous abstenir d'exprimer des sentiments trop naturels pour n'être pas sous-entendus. La seconde, c'est de ne pas partir en guerre pour répondre aux choses qu'on vous dit avant d'avoir pénétré leur signification. Si vous aviez pris cette précaution il y a un instant, vous vous seriez évité d'avoir l'air de parler à tort et à travers comme un sourd et d'ajouter par là du ridicule à celui d'avoir des encres brodées sur un costume de bain. Et le baron montre avec mépris les habits marins posés sur la chaise et qu'il a regardé un peu avant. Faites-moi rapporter mon livre de Bergotte par le maître d'hôtel. Vous me faites apercevoir que je vous ai parlé trop tôt des séductions de la jeunesse. Je vous aurais rendu meilleur service en vous signalant son étourderie, ses inconséquences. Bonsoir, monsieur. Promenade sur la digue, extérieur après-midi, été. Un groupe de jeunes filles à l'air arrogant avance d'un pas assuré. Certaines portent sur l'épaule un sac avec ses clubs de golf, d'autres, et parmi elles la jeune fille aux joues rebondies et roses et aux yeux verts, tiennent une bicyclette par le guidon. C'est l'après-midi et une grande partie des estivants font leur promenade quotidienne sur la digue. C'est la brune qui vous plaît le plus ? La petite aux yeux verts, aux joues bouffies et roses. Elles ont toutes de la beauté. Même celle au visage blanc comme un œuf. Et ce roi mage de type arabe. Les jeunes filles se sont aperçues que les deux jeunes gens les regardaient et elles se mettent à parler de plus belle. La jeune fille, aux yeux verts, qui pousse sa bicyclette, fixe avec insistance Marcel, se penchant ensuite pour murmurer quelque chose à une de ses amies, laquelle hoche la tête et rit très haut. Je crois que vous serez bien heureux ici après mon départ. Je dis après car maintenant j'ai besoin de votre amitié. En ce moment, je suis brouillé avec mon ami. La faute en est à mes parents qui cherchent à la persuader de rompre avec moi. Vous n'avez pas une photo de votre ami ? Si. Saint-Loup s'apprête à prendre son portefeuille, interrompt son geste, puis, après réflexion... Non. D'abord, ce n'est pas une beauté, puis elle vient mal sur les photographies. Et puis, ce sont des instantanés que j'ai fait moi-même avec mon Kodak. Il vous donnerait une fausse idée d'elle. Marcel continue à observer les jeunes filles tout en ayant l'air de s'intéresser aux peines d'amour de Saint-Loup. Marcel, je suis à Balbec, car elle m'a défendu de rester à Paris pendant ma permission. Elle dit que ma présence l'exaspère. Mais pourquoi ? Toujours à cause de ma famille. J'avais obtenu d'une de mes tantes que Rachel vint chez elle dire devant de nombreux invités des fragments d'une pièce symboliste qu'elle avait jouée une fois sur une scène d'avant-garde et pour laquelle elle m'avait fait partager l'admiration qu'elle éprouvait elle-même. Oh, son entrée dans le costume copié sur l'Ancilla Domini, une véritable vision d'art, a été accueillie dans cette assemblée d'hommes de cercle et de duchesses par des sourires. Que le ton monotone de la psalmodie, la bizarrerie de certains mots ont mué en fou rire, d'abord étouffé, puis si irrésistible que la pauvre Rachel n'a pu continuer. Mais moi, je les tuerai. Oui, Marcel, je les tuerai avec moins de remords qu'un chien, qui est du moins une bête gentille, hein, loyale et fidèle. Et en voilà qui mérite la guillotine, plus que des malheureux qui ont été conduits au crime par la misère, par la cruauté des riches. C'était « À la recherche du temps perdu », scénario de Luchino Visconti et Suso Cecchi d'Amico, d'après l'œuvre de Marcel Proust. Découpage proposé par Emmanuel Douin. Premier épisode, la belle saison à Balbec, avec Nathalie Richard, la narratrice, Evelyne Guimara, la marquise de Villeparisis, Josette Boulva, la grand-mère, Nicolas Gonzalez, Marcel, Jérôme Kircher, Robert de Saint-Loup, Daniel Mesguiche, le baron de Charlus et Sophie Carrier. Extrait de Proust fantôme de Jérôme Prieur, lu par Geneviève Crouzet. Bruitage, Sophie Bissantz. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré, Émilie Couette. Assistant, Emmanuel Geoffroy, Guy Peramor. Réalisation, Jacques Taroni. Le texte de ce scénario est publié par les éditions Persona. Le ciel et la plage de sable en contrebas du grand hôtel sont plus surexposés que nature. La silhouette marche sur la digue. L'homme est toujours armé d'un parapluie pour se défendre des derniers rayons du soleil. Il ne quitte jamais son lourd par-dessus de bigogne, gris-perle, qui date des années lointaines. On ne voit pas que la doublure est de couleur parme en satin. Fin septembre, vers la fin de l'après-midi, la lumière est si tendre et l'air respirable. C'est 1914, le dernier été du siècle. Proust était venu à Cabo pour la dernière fois de sa vie. Deuxième épisode d'À la recherche du temps perdu demain dans Triple Détente. Mais pour l'heure, il va être 17h au Caire où je me trouve, 16h à Paris. Vous allez retrouver dans quelques instants Pierre Chevalier. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure cette nuit avec Laurent Goumard pour un minuit 10 spécial Caire. Sur les docks. Bonjour, sur les docks, l'heure du documentaire sur France Culture. Cette semaine, comme la suivante, évoquera le monde des mécènes et des collectionneurs. Caius Mécénas, dont le nom francisé est Mécène, vivait à Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ. Proche de l'empereur Auguste, il consacra sa fortune à promouvoir les arts et Virgile, Properce, Horace reçurent son aide. Ainsi naissait une grande tradition européenne de soutien à la culture, relayée par la monarchie, l'empire et la république, reprise aujourd'hui par de grandes entreprises. En France et aux États-Unis, quelques personnes privées poursuivent l'action amorcée il y a 2000 ans par Mécène. Dina Vierny en fait partie. Modèle de Mayol, Matisse et Bonnard, amie de Picasso, Éluard Breton, Poliakoff, admiratrice de Georges Sand, elle a constitué deux musées, une fondation et a presque tout collectionné depuis l'âge de 14 ans. Les automates, les guirlandes de Noël, les attelages, les peintres, les maris et les singes. Tout de suite, le documentaire de David Arthur et Philippe Rouy, Dina Vierny, collectionneuse modèle. J'aime mes objets et j'ai les visites. Et quand je pense, j'en ai des centaines, et quand je pense à un objet, tout à coup, mais où est-il celui-là? Ah, je suis malheureuse, la nuit. Vous savez, je travaille beaucoup, moi. La nuit, je me lève, je le cherche, puis je le trouve. Alors je l'embrasse. Et il me le rend. Parce que l'objet rend à celui qui l'aime. Et puis un objet, vous savez, il a besoin d'un dialogue. Il a besoin de parler, parce que c'est vachement vivant, moi, les objets. C'est pas quelque chose de mort, hein, pas du tout. L'objet, il a besoin d'un camarade. Alors, on lui cherche cette compagnie. Et on trouve un autre objet qui lui ressemble. Et petit à petit, ça devient un monde. Et les objets, quand on les aime, ils vous aiment aussi. Dina Vierny, collectionneuse modèle. Sur la planète de la collectionnite aiguë, le temps ne suspend jamais son vol. Les objets passent de main en main avant de finir inexorablement dans un musée d'État. Tout le monde collectionne. Que ce soit sans le savoir celui qui ramasse des briquets ou des sous-bocs publicitaires par goût, à celui qui, les pieds vissés dans les plus hautes sphères de la finance ou du pouvoir, affiche son élitisme à coups de millions en achetant avec les oreilles. Collectionner n'est surtout pas une affaire d'argent, c'est une question d'œil, de temps et de passion. La France aux 1000 trésors à découvrir, carrefour de la Chine européenne, a eu la chance d'accueillir la mer noire d'Odessa qui coule dans les veines de Dina Vierny. Reine de cœur et d'amitié, elle entre dès l'âge de 6 ans en collection comme on entre en religion. Tour à tour modèle de Mayol, Matisse et Bonnard, elle est restée dans les arts comme mercenaire de la beauté. Ne perdant jamais le goût de l'objet et déplaçant des montagnes, cette impératrice de l'agencement a offert à son pays, la France, deux musées et une fondation accueillant ses trésors de collectionneuses de collection. Je suis avant tout collectionneuse. La première chose que vous avez